Rosa Mystica par André Theuriet. Elle se nommait Sidonie, était orpheline et habitait la dernière maison du village, presque à l'orée du bois, sur le chemin forestier qui conduit à Germaine. Son père, l'ancien Charon, mort quand elle touchait à sa majorité, lui avait laissé comme héritage la maison, le jardin attenant et un terrage à fermer moyennant 500 francs. En ce pauvre pays de la montagne langroise, cela faisait d'elle un parti très sortable. Malheureusement, bien qu'elle fût honnête fille et vaillante, elle n'avait rien pour plaire. Elle était malingre et contrefaite. La taille déviée, les épaules remontantes, le cou enfoncé dans ce buste de bossu d'où saillait une tête fine, maigre, pâle, avec de grands yeux pensifs et un front énorme. Les garçons passaient près d'elle, indifférents ou moqueurs. Ceux qu'elle aurait aimés ne se souciaient point de sa chétive personne, et elle ne voulait pas de ceux qui ne l'auraient prise que pour son argent. Pourtant, dans ce corps tristement déformé logeait une âme exquise et un cœur ardent. Ses compagnes de première communion s'étaient toutes mariées. Sidonie les avait vues, l'une après l'autre, se promener le dimanche au bras de leur bonne amie, puis entrer un jour à l'église en robe de noces et, plus tard, traîner après leur jupe deux ou trois marmots. Alors, avec une épine d'envie et de regret au cœur, elle songeait qu'elle aussi eût été heureuse de sentir sa taille étreinte par un bras amoureux, sa maison résonnante de cris d'enfant. À chaque retour du printemps, quand la sève faisait éclater les bourgeons des hêtres, quand les aubépins et les cerisiers sauvages s'épanouissaient, blancs comme des bouquets de mariée, elle était envahie par une douloureuse nostalgie d'amour. Son cœur battait d'une façon désordonnée, son sang brûlait, des larmes lui montaient aux yeux à l'heure trouble du crépuscule, et ses nuits étaient tourmentées par de fiévreux rêves dont elle avait honte. Bien qu'elle aimât le séjour de la forêt, elle n'osait plus y entrer, tant le spectacle de la printanière ivresse des plantes et des bêtes la mettait en désarroi. Elle se réfugiait à l'église au moment où l'étroite nef blanche à la chaux était le plus solitaire. Elle cherchait dans la lecture de son paroissien un remède contre les mauvaises pensées. Le peuple de la montagne langroise est foncièrement dévot, et Sidonie, pendant son adolescence souffreteuse, avait pris des habitudes de piété fervente. Néanmoins, les prières imprimées n'apaisaient plus son âme et n'empêchaient pas son esprit de s'égarer vers des sujets périlleux. Désolée, elle fermait son livre et essayait de trouver elle-même des prières plus efficaces, des effusions plus personnelles. Se souvenant d'avoir lu dans l'Évangile « Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés », elle s'adressait naïvement à Jésus et disait « Mon Dieu, qu'êtes au ciel, vous voyez ma peine, ayez pitié et venez à mon secours. » Ainsi, peu à peu, elle s'accoutumait à converser familièrement avec le Christ dont elle voyait dans le demi-jour d'une chapelle la tête couronnée d'épines et le cœur saignant. Et à force de confesser ingénument sa détresse à Jésus, il arrivait que l'élan même de sa prière emportait sa pensée loin des préoccupations corporelles. Insensiblement, l'amour divin se substituait en son fort intérieur au désir de l'amour humain. Ses stations à l'église devenaient chaque jour plus longues, et ses entretiens avec Jésus confinaient maintenant presque à l'extase. Agenouillée en face de l'effigie au cœur saignant, elle la suppliait. « Je vous aime, Seigneur, venez à moi. » Et elle priait ainsi ardemment, et voilà que tout à coup il lui sembla que les paupières closes du crucifié s'entr'ouvraient pour laisser passer un regard attendri. Les yeux de Sidonie ne pouvaient plus se détacher des yeux compatissants de Jésus. En elle et autour d'elle, elle sentait quelque chose de mystérieux palpiter dans le silence du sanctuaire obscur. Elle percevait une voix très douce qui s'insinuait jusqu'au plus intime de son âme et qui murmurait « Demande et on te donnera, frappe et on t'ouvrira. Si tu veux être parfaite, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. » Quand elle fut rentrée dans sa maison à l'orée de la forêt, Sidonie médita sur ce qu'elle venait de voir et d'entendre, et voici ce qu'elle décida. Elle vendrait au plus vite ses champs et l'irait vers celui qui l'appelait. Au grand ébahissement de la paroisse, Le terrage fut mis en adjudication par le notaire. Sidonie ne conservait que la maison où ses parents étaient morts. Une fois le prix de la vente réalisé, elle résolut de se mettre en route et de partir d'abord en pèlerinage pour les lieux consacrés où le pouvoir de Jésus, de la Vierge et des saints s'était le plus merveilleusement manifesté. Elle s'en alla donc par les routes, frêle et chétive, mais vaillante et infatigable, priant Dieu et secourant les pauvres rencontrés en chemin. Elle visita tour à tour la Salette, Lourdes, le Mont-Saint-Michel, puis poussa jusqu'à Rome et à Jérusalem. Mais ce qu'elle vit dans ces sanctuaires si renommés ne plut pas à son cœur et scandalisa son âme au lieu de l'édifier. Elle trouva partout les vendeurs sur les marges du temple, partout les égoïstes préoccupations de la vie charnelle, l'ostentation des œuvres sans l'amour sincère qui les sanctifie, et de nouveau le doute troubla cruellement son cœur. Elle s'en revenait mortifiée et désenchantée quand, un matin, ayant acheté une fleur d'essaim à l'échoppe d'un libraire, elle lut, tout en cheminant, la vie de saint François d'Assise, et ses yeux s'ouvrirent avec ravissement sur le passage où se trouve la prière du glorieux franciscain, le tendre et triomphant cantique du soleil. « Soyez loués, Seigneur, avec toutes vos créatures, spécialement pour notre frère le soleil qui donne le jour et par lequel vous nous illuminez. Il est beau et brillant de grande splendeur. De vous, très haut, il est le symbole. Soyez loués, Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles. Dans le ciel, vous les avez faites claires, précieuses et belles. Soyez loués, Seigneur, pour notre frère le vent, et pour l'air et le nuage, pour le ciel pur et toutes les saisons, par lesquelles vous donnez à vos créatures la vie et le soutien. Soyez loués, Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, et produit les fruits avec les fleurs aux mille nuances et l'herbe. » À mesure que Sidonie lisait et relisait ce cantique imprégné de l'amour du Créateur et des créatures, une manne céleste et fraîche lui tombait sur le cœur. Il lui semblait respirer à plein poumon l'air salubre de son village, l'odeur de sa forêt fleurie et bourdonnante d'eau vive, et un véhément désir la prenait de revoir son pays quitté depuis longtemps. Elle se hâta donc vers la montagne langroise et pleura en rouvrant la porte de sa petite maison à l'orée du bois. Ce logis et le sobre mobilier qui le garnissait constituaient maintenant son unique fortune, car les aumônes largement distribuées et les lointains pèlerinages avaient dévoré le reste de son patrimoine. Mais Sidonie n'en avait cure. Son dénuement la rapprochait du grand saint d'Assise qu'elle voulait prendre pour modèle. Elle acceptait la pauvreté avec joie, avec la sécurité d'un cœur pénétré des paroles évangéliques. « Ne vous inquiétez point en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi nous bâtirons-nous ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Elle avait dans les nippes de sa défunte mère de quoi se vêtir décemment. La forêt lui donnait ses fruits sauvages en été et ses champignons à l'automne. Pour gagner son pain, elle ramassait des fagots de bois morts en hiver, des muguets au printemps, et elle les allait vendre au prochain marché. Bien qu'elle fût très pauvre, elle trouvait encore moyen de soulager de plus indigents qu'elle. La forêt, maintenant, ne lui faisait plus peur. La prière et le travail avaient eu raison depuis longtemps de ses regrets et de ses désirs. Les grands hêtres aux vertes retombées, les muguets et les véroniques, les oiseaux qui rossignolaient en mai, n'étaient plus pour elle que de délicieuses et symboliques images du Très-Haut, Très-Puissant et Très-Bon Seigneur. Elle les aimait fraternellement, comme on aime les créatures du Père qui est au ciel. Elle aimait aussi d'une charité profonde les pauvres gens qui vivent de la forêt. Frêle et vaillante, elle allait à travers les ronces fleuries, visiter les bûcherons dans leurs loges, les charbonniers autour de leurs fourneaux. Elle couchait sur la dure, au chevet de leurs enfants ou de leurs femmes malades, s'attachant surtout à ceux qui étaient les plus misérables, les plus mal famés, sans s'effaroucher de leur grossièreté, sans se mettre en soin du « qu'en dira-t-on ? » Les bourgeois du village haussaient les épaules. Les plus indulgents la tenaient pour une folle qui, après avoir dissipé son patrimoine, achevait de se déclasser en frayant avec des mendiants et des rôdeurs de bois. Le curé lui-même la blâmait de sa charité inconsidérée et lui reprochait de compromettre la religion par son manque de tenue. Mais peu importait à Sidonie. Dans le mystérieux frisson des arbres, il lui semblait entendre la voix de Jésus qui lui chuchotait « Bienheureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Et les rayons de soleil, filtrés par la feuillée, lui paraissaient comme des lumières de grâce que le Très-Haut faisait glisser jusqu'à elle, et son cœur en était inondé de joie. Un soir, au temps où l'on ramasse la faine, elle rencontra, prostrée au revers d'un fossé, une fille qui pleurait. C'était une coureuse de bois nommée Manette. Elle avait un mauvais renom, et passait pour la créature la plus dévergondée du pays. Sidonie néanmoins s'approcha, lui mit amicalement la main sur l'épaule et lui demanda pourquoi elle pleurait. Manette le lui avoua sans vergogne. Son amoureux, un sabotier, venait de la jeter à la porte et elle se trouvait sans feu ni lieu. « Venez avec moi, » dit Sidonie, « je vous logerai, et si je n'ai qu'un morceau de pain, nous le partagerons. » Elle l'amena en sa maison et après l'avoir sustenté et consolé, elle lui reprocha doucement ses égarements et sa mauvaise vie. « Ah !» répliqua cyniquement la fille, « c'est plus fort que moi. Il faut que je passe ma fantaisie. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Vous en parlez comme un aveugle des couleurs. » Un sourire attristé crispa les lèvres de Sidonie, et toute rouge de pudeur, elle répondit humblement. « Il n'y a pas de créature si laide qui n'ait souffert dans sa chair. Si vous lisiez dans mon cœur, vous verriez que j'ai pâti comme une autre, à force de tentations et de désirs. Je m'en suis guéri en me tournant vers le seul amour qui ne trompe pas. Lequel ? Demanda naïvement Manette en écarquillant les yeux. Je vous l'expliquerai plus tard. En attendant, ajouta-t-elle, après avoir embrassé tendrement l'abandonné, vous vivrez avec moi. Je vous aimerai comme Dieu veut qu'on aime ceux qui peinent, et je ne vous mettrai jamais à la porte. Cette chaude pitié toucha plus Manette que tous les sermons des curés. Elle s'attacha à Sidonie comme un bon chien. Elle se donna à elle corps et âme et Sidonie le donna à Dieu. Elles demeuraient ensemble au grand scandale du village et Manette obéissait docilement à sa protectrice. À cette époque, Sidonie s'était mis en tête un ambitieux projet. Sur l'un des versants de la gorge de Vivet, il y avait une chapelle en ruine dédiée autrefois à Sainte-Claire. Ce sanctuaire délaissé jouissait néanmoins encore d'une antique réputation de sainteté. On prétendait que jamais les araignées n'avaient osé y ourdir leur toile. Sidonie, en souvenir de la Vierge qui fut l'amie de François d'Assise, rêvait de restaurer et de rendre au culte la chapelle de Sainte-Claire. Elle s'était abouchée avec un maître maçon et lui avait, avec cette éloquence que donne le cœur, persuadé de fournir gratuitement les moellons destinés à réparer la ruine. Un bûcheron dont elle avait guéri l'enfant lui promit à son tour de raccommoder la charpente. Pour parfaire les fonds indispensables, la pauvre fille ne rougissait pas d'aller mendier de village en village. Manette entra dans ses vues et à elles deux, elles déployèrent tant de zèle, multiplièrent si bien les pas et démarches qu'au bout d'un an, elles réunirent assez d'argent pour décorer l'hôtel. Déjà les murs étaient relevés, la toiture achevée et recouverte de lave. Mais les courses par la neige et la pluie avaient rudement éprouvé le fragile corps de Sidonie, et elle se sentait sérieusement malade. Pourtant, un matin d'avril, elle voulut porter sur l'autel de la Sainte les premiers muguets du printemps. Il partit courageusement par un temps brouillé de nuées. Elle eut une grande joie à voir la petite chapelle tout embellie et embaumée par les muguets. Mais quand elle s'en revint, les nuées crevèrent. Elle rentra au logis trempée jusqu'à la peau, grelottant de fièvre. Manette la força de se coucher, et à peine au lit, le délire la prit. Elle parlait tout haut à Sainte-Claire, et la remerciait d'être venue la chercher pour l'emmener en paradis. Et avec un tendre sourire sur les lèvres, elle répétait « Amour, amour, mon Jésus désiré, Jésus mon époux, je te demande la mort en t'embrassant. » Le lendemain, la pluie avait cessé, le soleil avait reparu clair et beau, et Sidonie était morte. Le corps presque redressé, le visage transfiguré par une joie surhumaine, elle gisait sur sa paillasse de bruyère. Soudain, un vent très vif poussa les battants de la fenêtre, et éparpillé par cette brise printanière, des fleurs de cerisier, des fleurs d'aubépine neigèrent sur le lit de leur sœur Sidonie, comme pour célébrer ses noces mystiques avec l'époux de ses rêves. C'était Rosa Mystica par André Theuriet.